Oh, sí, Seder Sapiens, Trinita, ay, Zaragoza, sí, Resnum Verba. Demasiado que decir cuando ya es demasiado tarde. Promesas de esas arde y tú ya no puedes darle. Dejarás páginas en ruinas si las palabras no cuidas. Si lavas de este lápiz o en el mati de este druida. Hablar de y no dar es un error estándar. Y pasa factura si tú no lo procuras respaldar. Guardo cada instante en cada estante de memoria. Y elegante a tu corazón por si un día memoria. En el rap soy Ulises, cada canción me odisea. Tú Aquiles escribes por un talón, ahí flaqueas. En el papel y en la vida con hechos estos firman. Je m'appelle del Sapiens, Disman en tu Dixman. Laisse non accompli, laisse nos lèvres gercées. Plus de place pour l'inertie, aux gens de parole mille merci. On juge à la sueur versée, j'aimerais percer. Rêve de Bercy, mais ne me laisse plus bercer. Vois les politiques, je te prédirige. Si tu d'autant de russes que les putes qui nous dirigent. Je ne serai pas chanteur qu'on ligote. Ma vérité mal polie, mais le mensonge est polyglotte. Dans la rue, des mythos et insultes. Même se vide depuis la Gaule jusqu'à la péninsule. La roue tourne pas toute seule. Les frères bougent pas d'un cil, souvent se défilent. Bref, la jeunesse est indécise. Muestro por cada palabra un gesto en cada texto. Hablar es fácil, n'importe el lugar. Vision paradoxale, cette fois c'est moi qui braille. Jusqu'alors, c'est pas le magie qui m'a fait graille. Muestro por cada palabra un gesto en cada texto. Hablar es fácil, n'importe el lugar. Reste notre verba, cherche pas, c'est du latin. A la gloire de ceux qui se démènent dès le petit matin. Segundo asalto, volumen alto y primera línea. Cada frase es un resumen de esta vida tibia. Y por si acaso, propon cante. Que como el microamillo del ritmo soy su amante. Observa, lo que siento no tiene remedio. Si grita este corazón es la pasión su único medio. Y medio más disgustos que degustar. Y es que estar como estoy vivo y no es querer ser un star. Para drapo en mi boca no provoca que yo calle. Este muñeco de trapo no va de capo por la calle. Aprendilla, como ignorar tus habladurías, sabiduría anticrew, trae mi cuadrilla. L'homme a la langue pendue, le monde se balance au bout, mec. Tout ce temps perdu, coupe net, parle tes courbettes. La vérité mise sous verre, mon crousse ouverte. Esprit écroué, mais les bouches ouvertes. Pour ta gouverne avec le verbe, j'attaque comme couvert. La rage dans la boîte et t'as perdu le couvercle. Bla bla bla bla bla bla. Moukaf tes moulots, s'il ouvrirait ton boulot, que t'aiden par le coulot. Je ne suis que la somme de mes agissements. Touche du bois, serre ma boulette, mon talisman. La vie analyse-la, escorta. Exact, Trinitan Jacques, pas dans le vent mais veut des actes. Muestro por cada palabra un gesto en cada texto. Hablar es fácil, n'importe el lugar. Vision paradoxale, cette fois c'est moi qui braille. Jusqu'alors c'est pas le magie qui m'a fait graille. Muestro por cada palabra un gesto en cada texto. Hablar es fácil, n'importe el lugar. Reste notre verba, cherche pas, c'est du latin. A la gloire de ceux qui se démènent dès le petit matin. Muestro por cada palabra un gesto en cada texto. Hablar es fácil, n'importe el lugar. Vision paradoxale, cette fois c'est moi qui braille. Jusqu'alors c'est pas le magie qui m'a fait graille. Muestro por cada palabra un gesto en cada texto. Hablar es fácil, n'importe el lugar. Reste notre verba, cherche pas, c'est du latin. A la gloire de ceux qui se démènent dès le petit matin. Ouais ouais. Trinita featuring Edel Sapiens. Ici à Saragosse, reste non verba. Pour les gens qui agissent, pas pour ceux qui parlent. T'entends? Reste non verba. Tu vas ramener ta bande, moi je rembobine la mienne. Bande, moi je rembobine la mienne.